Chapitre 2e, Saint Paul. Au commencement du mois d'avril, je dis adieu à Saint-Denis pour me rendre à Saint-Paul, l'ancienne capitale de l'île. Le batelier mulâtre Désiré m'offrit sa barque et ses six rameurs, et je préférais la voie de mer, au moins jusqu'à la possession, à la voie de terre beaucoup plus pittoresque, il est vrai, mais beaucoup trop longue et trop coûteuse. Le matin, dès l'aube, pendant que la brise était encore favorable, je sautai dans la barque. Désiré se tenait au gouvernail, les rameurs s'assirent sur leurs bancs et nous gagnâmes le large. La voile nous aida pendant les deux tiers de la route, après quoi il fallut ramer. Les Noirs et les Indiens du bord rivalisaient d'ardeur et, se levant debout, appuyaient de toute leur force sur la rame en se laissant retomber. Nous nagions à toute vitesse quand apparut derrière nous un autre bateau. Alors vous eussiez vu les hommes de l'un et de l'autre bord se défier réciproquement, jeter au vent leurs habits et ramer tout nus avec un simple langouti autour des reins. La sueur dégouttait de leurs membres, et j'avoue que les Noirs, mes voisins, ne répandaient pas une bien agréable odeur. Des cris sans nom sortaient de toutes les bouches, et plusieurs des rameurs, pour s'exciter, frappaient violemment du pied, en se levant sur leurs rames, les flancs du navire qui oscillaient sous le coup. Enfin nous arrivâmes les premiers à la possession, mais seulement d'une demi-longueur, pour parler le langage des courses, car pendant que Désiré et ses hommes, comme jadis les Grecs sur le rivage de Troie, tiraient la barque sur la plage, la vague qui montait apporta le bateau de nos concurrents et le déposa, en se retirant, sur les galets. Les uns et les autres nous pûmes dire que nous touchâmes le but en même temps, et l'amour-propre fut de part et d'autre satisfait. Tout alla pour le mieux sur le meilleur des rivages possibles, comme aurait pu s'écrier le docteur Pangloss s'il eût été de la traversée. Le maire de la possession qui nous suivait sur la barque rivale fut aussi sans doute de cet avis, car il ne nous accusa point d'avoir, manquant aux règles de la préséance, mis le pied avant lui sur son domaine administratif. Du cap Bernard à la possession, une montagne de roches basaltiques se dresse à pic sur la mer. Elle affecte sur les parties mises à nu les formes les plus bizarres, et çà et là, des filets d'eau viennent tomber en cascade écumante, produisant un effet des plus gracieux. Au pied de la ravine de la Grande Chaloupe est le lazaret pour les immigrants de l'Inde. La ravine à malheur tire son nom d'un meurtre qui fut commis, et non loin est la roche à Martin, au milieu de l'eau. Martin, nègre pêcheur, y avait établi ses pénates et jetait sa ligne du matin au soir. Un jour que la mer montait furieuse, il ne put s'enfuir assez vite, et le flot l'emporta lui et ses poissons. Telle est la légende que vous racontent les bateliers de Désiré, quand le temps est beau et que nul concurrent ne les sert de près. Le village de la possession où j'étais débarqué est de création assez récente, mais c'est en même temps un des points de la colonie les plus anciennement habités. On sait que l'île de la Réunion, découverte au commencement du XVIe siècle par les Portugais, fut visitée en 1513 par le navigateur Mascarenhas, dont elle prit plus tard le nom. Elle avait, paraît-il, porté d'abord celui de Sainte-Apollonie. Les Portugais n'occupèrent jamais cette île, et se bornèrent à y déposer quelques chèvres qui multiplièrent et que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les cabris sauvages de l'intérieur. Les Français qui s'étaient établis sur la côte orientale de Madagascar au commencement du XVIIe siècle occupèrent l'île du Mascareigne dont les Portugais ne voulurent point. En 1649, M. de Flacourt, ayant remplacé M. de Promy, directeur de la Compagnie française de l'Orient, qui précéda la Compagnie des Indes, renouvela solennellement la prise de possession de la nouvelle colonie. La cérémonie eut lieu à l'endroit appelé depuis la possession, et le nom de Mascareigne fut changé en celui de Bourbon. M. de Flacourt, en habile courtisan, avoue dans ses mémoires qu'il ne sut trouver de nom qui pût mieux cadrer à la bonté et fertilité de cette île, et qui lui appartint mieux que celui-là. Le village de la possession est très animé. C'est le point central de tous les transports par mer vers Saint-Denis. C'est là que se rencontrent le soir tous les voyageurs venant de Saint-Paul. C'est de là aussi que tous les produits de jardinage et de basse-cour apportés par les Noirs et les Indiens sont expédiés vers la capitale de l'île. Comme je sortais du village, je traversais un marché en plein vent sur le bord de la route. Quelques pauvres négresses y étalaient sur un mouchoir des tas d'oranges et de bananes, des pistaches de terre ou arachides grillées, des mangues au goût de térébinthine, des noix de coco dont on boit sur place l'eau fraîche et sucrée, des dattes à la peau verte et écailleuse et dont l'intérieur est rempli d'une crème odorante. Ça et là, on voyait aussi des monceaux de ces jolis petits citrons verts et juteux, particuliers aux Seychelles et à Bourbon, et qu'on nomme des citrons galets. Tout cela était exposé sans façon et sans que les marchands daignassent faire la moindre avance aux passants. Les unes se laissaient aller la douce nonchalance créole, c'est-à-dire ne pensaient à rien. Les autres renouaient négligemment leur madras autour de leur tête et s'inquiétaient peu de leur inventaire. Celle-ci, oresco referens, fumait la pipe, celle-là dormait, cette autre enfin dégustait une tasse de ce café aromatique et quintessentié qu'on ne boit qu'à Bourbon. Une d'elles, qui reconnut mon compagnon de route, dont elle avait jadis été l'esclave, se dérangea cependant, vint au-devant de nous, et s'exprimant dans ce patois créole si naïf et si doux, la seule langue que parle à la Réunion le bas peuple, « Bonjour, notre maître, vous l'allez bien ?»« Zaferi, s'il allait mal. »« Mais ça va, s'il allait pas mieux. » En quittant la possession, une belle route, d'abord ombragée de tamariniers, de bois noirs et de flamboyants, ces beaux arbres aux fleurs étincelantes indigènes de Madagascar, me conduisit jusqu'à la limite de mon voyage. Je traversai la plaine des Galets, puis la rivière de ce nom. Bientôt, au sortir d'une allée de Filao, l'étang de Saint-Paul, la ville cachée dans ses jardins, enfin cette magnifique et paisible baie qui étend sa gracieuse courbure jusqu'à la pointe Laoussaï, m'apparurent tout à la fois. Quelques champs de canne et à côté quelques sucriers se montrent dans la plaine. Développés sur une courbe à peu près parallèle à celle de la baie, les remparts du Pernica élèvent leur masse de basalte à des hauteurs de plus de 1000 pieds. Sur le flanc de ces montagnes croisent diverses essences tropicales, entre autres le bois de fer, le bois d'ébène et le bois de natte, rival de l'acajou. Sous leur frais ombrage vivent les oiseaux indigènes, l'oiseau blanc, l'oiseau vert, le tec-tec, la grive, le merle et la caille de Bourbon, enfin l'oiseau gracieux de la Vierge, si peu timide qu'il se laisserait prendre à la main. Le martin au bec jaune ou merle des Philippines, importé dans la colonie, se rapproche davantage des habitations et on le voit souvent, au milieu des champs de canne ou sur les chemins, faisant aux sauterelles une guerre acharnée. Les martins détestent la solitude et vont fraternellement par compagnie. Saint-Paul, où je venais d'arriver, a été, avec la possession, le premier lieu habité de la colonie ainsi que de vieilles cartes en font foi. Cette ville est restée aussi la capitale de Bourbon jusqu'en 1738, évoque où la Bourdonnais transporta le siège de l'administration à Saint-Denis, qu'il trouverait plus rapproché de l'Île-de-France. Je passai à Saint-Paul tout le mois d'avril, et j'eus le temps d'étudier à loisir ce pittoresque quartier. À Bourbon, comme à Maurice, l'expression de quartier remplace celle de commune ou de canton. L'île Bourbon est divisée en 11 quartiers. Partout, je reçus le plus amical accueil. Ma qualité d'Européen était du reste un titre de recommandation. Une case au milieu d'un jardin, que je louais aux abords de la ville, devint mon habitation favorite. Elle me rappelait, sauf les dimensions et le nombre des appartements, pour lesquels elle était mieux partagée, la cabane californienne que j'avais occupée 2 ans auparavant. L'aspect des lieux aussi était différent, et au lieu de tristes maquis, j'avais autour de moi de verdoyants bosquets où le latanier, le palmier, le grenadier et la vigne mariaient gracieusement leur feuillage. Quant à la vie, elle était à peu près la même, vie d'isolement et de calme. Là, comme en Californie, je retrouvais le fauteuil de rotin où l'on s'étend nonchalamment. Je prenais une posture de nabab, j'étais roi sous ma barangue, humant l'odorant café du cru, que Julien, mon mulâtre fidèle, m'apportait tout fumant. Le manis suivait le café, et devant les nuages vaporeux qui s'envolaient autour de moi, je me laissais aller à de doux rêves. Je donnais libre carrière à la foule du logis. Le soir, le ciel était beau, les étoiles scintillaient au firmament. Il n'y avait aucun bruit dans l'air, mais parfois la voix d'un noir qui passait sur la route, sa lanterne à la main, rompait le silence, et j'entendais aussi mon voisin, Moutoussami l'Hindou, adresser à Brahma en chantant ses plus ferventes prières. Parfois aussi le bruit monotone du tam-tam, ce tambour de l'Inde, arrivait jusqu'à moi d'une cabane voisine, donnant toujours les mêmes notes, et rappelant aux malabars, accroupis autour du joueur, les chants de leur lointaine patrie. Poétique souvenir qui, revenant aujourd'hui à ma mémoire, me donne le regret de jours passés trop vite et explique tout le charme et toute la douce volupté de l'existence créole. Dans l'intérieur de ma case, quelques insectes de mauvais augure, des scorpions et des sans-pieds, m'inquiétèrent les premiers jours, mais je finis par m'y habituer. Saint-Paul, où j'avais ainsi planté pour plusieurs semaines ma tente de voyageur, est la patrie de Parny, appelée par ses admirateurs le Tibulle français. C'est aussi à Saint-Paul qu'est né Daillot, un autre poète ignoré en France, mais très estimé à La Réunion. Accablé de maladies et d'infirmités dès sa naissance, il ne connut de ce monde que la douleur. Elle lui arracha un jour ses deux vers dans la pièce le mutilé. « Et vous, qui demandez si l'âme est immortelle, et ma part de bonheur, dites, où donc est-elle ?» Bertin Léléjac, le contemporain et l'ami de Parny, et qu'on a comparé à Propers, est aussi né à l'île Bourbon. Enfin, deux poètes contemporains aujourd'hui à Paris, M. Lacossade et M. le comte de Lille, tiennent un rang distingué dans la Pléiade créole. Il est heureuse que celle qui ne produit pas seulement le café, la vanille et le sucre, mais qui se livre encore au culte des muses, île que les Grecs, s'ils l'avaient connue, auraient chanté à l'égal de leur fortuné rivage, et dont ils eussent fait sortir tout un peuple de dieux pour célébrer sa fécondité. Pourquoi, dans cette nomenclature de poètes, oublierai-je Célimène, la muse des trois bassins, comme on l'a nommée à Saint-Paul? Célimène improvise et chante à la fois ses vers en s'accompagnant sur la guitare. Elle est, dit-elle, quelque peu descendante de Parny, mais c'est la satire et non l'élégie qu'elle cultive. Elle déchire à belles dents celui qui s'attaque à elle, et sa répartie est prompte en prose comme en vers. Elle a épousé un blanc de vieille roche, le gendarme Gaudieux, venu avec son régiment de France dans les colonies. Et comme quelqu'un lui reproche un jour d'être de sang mêlé, « Je suis mulâtresse, c'est vrai, » répondit-elle, « mais mon mari est de race blanche, et il est de règle que le cheval ennoblit la jument. » Célimène a chez elle un album où tous les visiteurs, et parmi eux les personnages les plus connus de la colonie, ont inscrit leur nom. Quelques-uns ont ajouté à leur signature une citation en prose ou en vers. Mais les poésies de la muse créole, où les rimes se croisent comme elles peuvent, et où les licences de tout genre étonnent à chaque ligne le lecteur, tiennent encore la principale place dans ce curieux recueil. Une grande partie des vers de Célimène sont en langue créole et ne peuvent avoir de charme que pour des oreilles coloniales. D'autres poésies, en français, sont d'un genre si léger qu'elles ne sauraient trouver place ici. Que le lecteur, comme spécimen, veuille donc bien se contenter de ces cinq vers qu'elle m'adressa un jour, en réponse au cadeau que je lui avais fait d'un curieux échantillon de lave volcanique. « Je te remercie, mon cher voisin, de la roche que tu m'as envoyée. Je vais bien la conserver. On ne jette pas tous les matins d'aussi jolies pierres dans mon jardin. » Voilà le genre, ni césure, ni élision, ni alternance régulière de rimes, et rimes seulement pour l'oreille. En un mot, aucune règle, mais assez d'esprit. Et c'est ce qui a fait de Célimène l'un des poètes populaires les plus originaux de la colonie bourbonnaise. Célimène n'est pas le seul type curieux qu'il m'a été donné de connaître à Saint-Paul. Je dois aussi une mention au docteur indien, Kanaka Poulet, que la nature libérale a doté de six doigts à chaque main. Il traite tous ses malades par le mercure et croit avoir trouvé un moyen de solidifier à la température ordinaire ce liquide si mobile qui ne se congèle qu'à 39 degrés au-dessous de la glace. Mais Kanaka Poulet a une foi de brahman. Au besoin, il use de subterfuges et prétend avoir solidifié le vif argent quand il en a fait une pâte avec les simples au milieu desquels il le broie. « Bon blanc, vous !» me disait-il quand j'essayais de le suivre dans ses digressions chimiques ou médicales. « Vous, bon blanc !» C'est à peu près tout ce qu'il savait de français. Et comme je n'en savais pas autant de langue tamoule ou d'hindoustani, nos conversations s'arrêtaient là ou se complétaient par des signes énergiques afin d'être bien compris. Pourquoi ne pas donner aussi une place, dans cette galerie de portraits, au créole Pomphili, ancien douanier à Saint-Paul, aujourd'hui directeur de la Poste? En souvenir des nombreux navires qu'il a dans le temps visités et inspectés, il a disposé dans son bureau une série de ficelles courant sur des poulies, véritables câbles en miniature. C'est par ce moyen qu'il ouvre et ferme les portes et fenêtres du temple postal, et qu'il a fait descendre ou enlève les placards indiquant au public que le courrier est arrivé, ou que le bureau sera ouvert à 2 heures. Le père Pomphili, le parfait postier, comme on l'appelle, professe une haute estime pour tous les Européens. Il a fait fi des préjugés créoles en épousant une mulâtresse et cite avec orgueil ses aïeux, les Malouins, qui ont colonisé le globe. Les habitants de Saint-Paul prétendent qu'il est un peu fastidieux. En retour, il est pour tout le monde une complaisance à l'épreuve, porte dans son service la rigidité et l'amour de la discipline d'un ex-douanier. Il proclame partout son respect profond pour son grand chef, le gouverneur de la colonie. Au besoin, il rendrait au baron d'Haricot les mêmes honneurs que les Indiens de l'Amérique du Nord rendaient jadis à bas de cuir. Les lieux méritent à Saint-Paul d'être étudiés comme les hommes. C'est près de la ville qu'est le Bernica, aux Olympides, au bassin profond, encaissé entre deux remparts à pic. Le dernier bassin, qui est aussi le plus grand, ressemble à un ancien cratère. En remontant la rivière des Galets, on arrive à des sites non moins grandioses et non moins imposants que celui de Bernica. C'est en cet endroit, au-delà du brûlé de Saint-Paul, que se trouvent les eaux sulfureuses de Mafate. Elles ont été découvertes, il y a quelques années, par un habitant de ce quartier, M. Troussaille fils, hardi chasseur, et l'un des plus infatigables poseurs de remparts de la colonie. Le chemin pour arriver à la source sulfureuse où l'on a établi des bains est encore bien accidenté. Il y a plus d'une échelle à franchir. Non loin des gorges de Mafate et Torère, localité aussi sauvage et d'un accès aussi difficile. Messieurs le marchand qui ont entrepris la culture de ces points élevés y ont très bien réussi. Ils ont acclimaté à Horaire plusieurs arbres fruitiers d'Europe, l'olivier, l'abricotier, le prunier, l'amandier et d'autres de la même famille. Le pin et le chêne y sont aussi d'une belle venue. Du plateau d'Horaire, le coup d'œil dont on jouit est à la fois l'un des plus sévères et des plus majestueux de l'île. D'un côté, le Simandef, de l'autre, le Grand Bénard, élèvent à des hauteurs de 2300 et 2900 mètres leur cime déchiquetée, et entre les deux chaînes à l'horizon apparaît le point culminant de l'île, le Pitou des Neiges, dont l'élévation dépasse 3000 mètres. Il est là comme un géant qui s'appuierait de chaque main sur la tête d'un de ses enfants.